Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Paul Bocuse, le pape de la gastronomie française. Halte aux diététiques, parce que chez nous, qu'est-ce qu'il faut? Du beurre, de la crème, les vins, les crus, si on supprime ça, on n'a plus besoin d'être en France. Il fait le marché lui-même et met en valeur les produits de sa région. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une dinde bouillie? Bien sûr, il faut une dindonne, une belle dindonne. Je préfère la dindonne parce qu'elle a plus de goût. Alors, c'est la Bresse, vraiment, c'est le pied. Paul Bocuse, dans un reportage de Valérie Gaget présenté à France 2 en février 2016 à l'occasion des 90 ans du grand maître, tout est dit ou à peu près dans cet extrait. La cuisine de Paul Bocuse, c'est d'abord et avant tout une cuisine du marché, une cuisine qui s'appuie sur la qualité et la fraîcheur du produit, une cuisine du terroir qui s'inspire de la cuisine traditionnelle française. Sa cuisine, en apparence toute simple, est en fait exécutée avec la plus grande des précisions et c'est cette recette qui va lui permettre d'atteindre les plus hauts sommets de la gastronomie et de devenir l'un des plus grands ambassadeurs de la cuisine française dans le monde. Alors, quelle est la cuisine de Paul Bocuse? Eh bien, la cuisine de Paul Bocuse, c'est la cuisine du marché. C'est peut-être un merlan le matin, pourvu qu'il soit très frais. Avec une pomme de terre, ça vient d'être amassée. Ça, c'est de la grande cuisine. C'est cette cuisine qui lui apportera les honneurs. Meilleur ouvrier de France en 1961. Et bien sûr, cette troisième étoile en 1965, qui ne le quittera plus. Le président Giscard d'Estaing lui décerne la Légion d'honneur en 1975. Une première pour un chef. C'est ce jour-là qu'il concocte sa célèbre soupe aux truffes, la soupe VGE. Boulimique de travail et premier chef médiatisé, il ouvre plusieurs établissements, du Japon aux États-Unis. Obsédé par le partage et la transmission, il crée un institut et un concours international, le Bocuse d'or. Une ascension fulgurante qu'il doit à sa cuisine, son sens des affaires et une certaine humilité. Pour faire attention. Quand on pense avoir réussi, c'est déjà qu'on a loupé. On n'a jamais réussi. Si vous avez quelque chose à changer encore aujourd'hui, ou dans votre cuisine, ou même dans votre vie, vous changeriez quoi? Je referais la même chose. Vous ne changeriez rien? Non, c'était trop formidable. Vous vous rendez compte, ce métier m'a tout amené. Extrait d'un reportage d'Antoine Delpierre diffusé à TV5 le 20 janvier 2018, jour du décès de Paul Bocuse, pour nous parler du parcours de la cuisine aussi, bien sûr, de Paul Bocuse. Je reçois Francis Reddy, amateur de bonne chère, animateur de l'émission Les Saisons de Francis, présentée à Ici Musique. Francis Reddy, bonjour. Bonjour, Jacques. C'est un plaisir de vous recevoir. Je pense que vous... Puis en écoutant les extraits, je voyais bien que vous l'avez beaucoup aimé, cet homme-là. C'est un plaisir de vous recevoir pour nous parler de Bocuse. Ah. Pourquoi vous l'aimiez tant? Quelle place il occupe pour vous? Bien, je pense qu'il a réussi, cet homme, petite parenthèse, Escoffier, juste avant lui, a fait reconnaître la cuisine française. Bocuse, qu'il a fait, c'est faire reconnaître ce métier de chef. Ouais. Parce que tous les chefs travaillaient en cuisine, ne sortaient pas des cuisines, n'étaient pas propriétaires, travaillaient pour un patron. Là, lui, il a dit, regardez les chefs, là, vous êtes capable d'être en avant, de prendre votre place, d'être créatif et d'être reconnu pour votre créativité. Et c'est ce qui est extraordinaire parce que grâce à lui, je pense que tous ceux qui ont suivi ont pu prendre leur place. Et c'est vrai maintenant pour les chefs femmes. C'est, oui. C'est beaucoup Bocuse qui a mis cette chose-là en marche. Oui, l'artiste que oui. Derrière le chef, le mettre en valeur, ne pas avoir peur de le mettre en valeur, puis ça lui a valu les plus grands honneurs. Ben là, tellement. La Légion d'honneur, mais plus que ça, il a été dans les palmarès là, récemment encore. Il était nommé chef du siècle. Enfin, oui. Le pape de la gastronomie Absolument. Française. Tout ça grâce à sa cuisine, Francis. L'ambassadeur par excellence de la cuisine française. C'est exactement. Une reconnaissance. Oui. Tout ça s'appuie sur une cuisine, évidemment, je le disais au début, en apparence simple, mais tellement bien exécutée. On l'écoute parler de la vision qu'il avait de la cuisine. Deux extraits. L'émission La vie quotidienne en 1979, dans un instant, mais d'abord le téléjournal Le Point, animé par Stéphane Bureau, en février 2000, avec Paul Bocuse. Mais chez nous, ce qu'on essaye, c'est d'avoir un restaurant familial, puisque finalement, il y a des broches dans la salle, au feu de bois, et on cuit énormément devant le client. Parce que moi, je suis pour une cuisine identifiable, avec des os, avec des arêtes, parce que je suis contre cette cuisine. On amène une assiette, le maître d'hôtel, pendant un quart d'heure, vous explique ce qu'il y a dans le plat. Pour moi, le maître d'hôtel arrive avec une volaille de Bresse, il la découpe devant vous, vous voulez l'aile, vous voulez la cuisse, et en plus, il y a une repasse. Peut-être, pour moi, c'est ça la cuisine. Pour moi, la cuisine, c'est la cuisine qu'on voit identifiable, qu'on voit cuire, qu'on salive avant. Et puis, je suis pour... La cuisine, par exemple, vous voyez, quand je vais chez Trois Guarouanes, bon, mais je rêve de manger un homard, de manger une côte de bœuf. Quand je vais chez Blanc, c'est un poulet à la crème. Donc, je crois que chaque restaurant a un peu une identité. il faut faire le marché. Il ne faut pas acheter tout de suite. Il faut regarder les produits. Et bien souvent, il vaut mieux des fois acheter un bon merlan ou un bon hareng ou un maquereau qu'une mauvaise truite. C'est-à-dire si le hareng est formidable, bien frais, donc on achète le produit. Après, on rentre à la maison avec les produits et après, on peut ouvrir le livre. Mais jamais partir avec une idée bien arrêtée en disant bah, « Tiens, aujourd'hui, on va faire ça ». Non, je pense qu'il faut acheter les meilleurs produits, pas les plus chers. Ça ne veut pas dire parce qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont les plus chers. Acheter les bons produits. Il faut se laisser séduire un petit peu par la qualité. Oui, et vous savez que, par exemple, si on a des œufs, dans des œufs, si on a un petit peu de beurre, dans ces œufs, on y rajoute un petit peu de persil, un petit peu d'oseille, on va faire peut-être la meilleure omelette fines herbes. C'est peut-être ça, la grande cuisine, ou un bon potage. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon potage? Il faut un poireau, il faut une pomme de terre, faire revenir un peu le poireau dans le beurre, mettre les pommes de terre, avoir une bonne qualité de pomme de terre, l'avoir épluchée au dernier moment, parce qu'une pomme de terre qui a traîné dans l'eau n'est plus la même qu'une pomme de terre qui était plus chez l'animal. Puis vous savez, pour faire de la bonne cuisine, il faut tellement peu de choses pour que ça soit bon et tellement peu de choses pour que ça soit horrible. Donc, comme dans toute chose, il faut essayer de trouver la perfection. Donc, c'est extraordinaire ce qu'on vient d'entendre, Francis Reddy. Puis ça nous dit que la cuisine, pour Paul Bocuse, c'est une vision, c'est une démarche qui part du moment où on fait les courses au marché jusqu'au service en salle. C'est clairement ça, puis on va le voir tout au long de sa vie. Tout ça, c'est influencé par ceux de qui il a appris. Oui. Là où il s'est retrouvé comme pour travailler dans un restaurant ou bien où il a appris. C'est toujours à la base ceux qui lui ont enseigné ça et il l'a mis ça en valeur. Mais c'est ça. Alors, le produit de base, aujourd'hui, quand on parle aux chefs, quand on parle à tous les chefs ici, là, chaque fois qu'ils nous racontent la raison d'être de leur propre, du bonheur de faire de la cuisine, c'est la base, le produit. Ils le disent maintenant, c'est oui. Compris ça. Alors lui, là, quand il a annoncé ça, quand il a mis ça en valeur, ça a fait en sorte que ça a déboulé par la suite. Donc, le produit, ensuite, l'autre chose excessivement importante, quand il dit la capacité de faire quelque chose de bien, c'est suffit de petits détails, et de faire quelque chose de moche, il suffit de quelques petits détails, c'est sa rigueur. Et ça, ça vient beaucoup, beaucoup de cette notion de meilleur ouvrier de France. Oui. C'est excessivement important. La rigueur dans tout ce qu'il a accompli, c'était ça. Donc, un plaisir simple, hein, oui. Cette volaille qui arrive. Ça a l'air tout simple, qui est authentique. Il y a des os, pas une cuisine, entre guillemets, raffinée, de laboratoire, mais une connaissance des bases. Un exemple précis, la fameuse, on l'a entendu parler, la soupe aux truffes, oui. VGE, Valérie Giscard d'Estaing. Ce qu'il y a dans cette soupe-là, là, c'est des champignons, de la truffe, du noyiprat, du foie gras, du céleri rave, carottes, un bouillon et un feuilleté au-dessus. C'est ouais. Tout. Et ça, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est tout ce qu'il y a, là. Ouais. C'est pas compliqué. Ce qui est fascinant dans le parcours de ce chef-là aussi, c'est qu'autant il va rayonner partout dans le monde, ouais. Aux États-Unis, au Japon, en ouais. France, évidemment, en Europe, autant toute sa vie, Francis Reddy, il va rester, grand sédentaire, il va rester, dans toute sa vie, tourne autour d'un lieu unique, l'auberge restaurant familial de Pont-de-Coulonges, près de Lyon. Oui, cette auberge-là, il est né là, il a passé, tout, comme vous avez dit, toute sa vie là, il est décédé au même endroit. Et ce qui est particulier, c'est que même quand il n'y était pas, si on était client, on s'en allait là, est-ce qu'on peut le voir, on peut parler au chef, est-ce qu'on pourrait rencontrer, parce qu'il se faisait surnommer M. Paul, toujours, mm-hmm. Hein, c'est M. Paul. Eh bien, M. Paul est dans les cuisines. En réalité, il était peut-être en Europe ou il était peut-être aux États-Unis, mais il était là. Il était là, mais donc ce lieu-là est excessivement important. Et c'est fils unique, lui qui provient d'une famille, ses quatre grands-parents étaient dans la restauration. Donc c'est profond, là, c'est enraciné. Et ce lieu-là était tellement important qu'à un moment donné, même un des lieux a appartenu à quelqu'un d'autre, a été vendu à un Russe. Et quand il a récupéré avec la famille ce lieu, il a fait installer des immenses lettres au nom, au-dessus de son restaurant, Paul Bocuse, pour dire, regardez là, c'est Bocuse, c'est ma maison, c'est ici. Et donc, il recevait dans l'abbaye, qui est une autre salle extraordinaire à côté. Tout se passait là. Oui. Et c'est là, donc, qu'il va avoir ses étoiles Michelin. Oui. Et puis, encore une fois, grande tradition familiale des générations et des générations. On oui. dit que depuis 1765, les Bocuse cuisinaient quand même. Oui. Un petit mot, une petite parenthèse, Francis, avant oui. de poursuivre sur ce parcours formidable de Bocuse derrière les chaudrons. Il va, pendant la Seconde Guerre mondiale, participer au mouvement de résistance. Ça vaut quand même le détour. Oui. Racontez-nous cette histoire-là. Oui, alors donc, en 1944, il s'est embarqué dans l'armée française de libération sous Charles de Gaulle. Donc, il s'est présenté, il s'est battu, il s'est retrouvé en Alsace et il a reçu coup de fusil par les Allemands et donc blessé gravement. Il a été soigné dans un hôpital de guerre américain, là-bas. Il est en Alsace. Et donc, soigné correctement. Et en plus, petit détail, les Américains qui, je pense, sont attachés à cet homme-là, ils ont fait un tatouage sur l'épaule gauche. Et c'est un coq, le fameux coq français. Et à partir de ce moment, Paul Bocuse a eu un attachement profond pour les Américains, un grand respect pour les Américains. Alors donc, il a même reçu le décoré de la Croix de guerre, il a marché sur les Champs-Élysées quand il y a eu la libération. Donc, c'est un homme, c'est une anecdote importante parce que c'est comme si ça définit aussi son courage, parce qu'il a voulu, hein, quand on embarque dans une armée libre, il aurait très bien pu ne pas le faire, mais il l'a fait. Oui. Après la guerre, là commence vraiment ses années de formation. Vous le disiez il y a quelques minutes, c'est beaucoup au contact des autres qu'il va apprendre ses bases, son métier. À quoi ça va ressembler, cette période d'apprentissage? C'est tout de suite après la guerre. Entre autres, il a appris avec la mère Brasier. Ça, c'est à Lyon, tous les restaurants, bien des restaurants, c'était des femmes qui les possédaient, qui menaient ça de façon intense. Et la mère Brasier a été une des premières femmes, ou si ce n'est pas la première, en même temps que Marie Bourgeois, à avoir les trois étoiles Michelin. Donc, il a appris avec elle. Il a observé comment ça se passait aussi dans tout l'univers des bouchons lyonnais. Bouchons, d'ailleurs, une histoire intéressante, mais un jour, on en reparlera. Donc, la mère Brasier d'abord. Ensuite, il a été à Paris, au restaurant Lucas Carton du chef Gaston Richard. C'est là qu'il a rencontré les frères Troisgros, Pierre et Jean Troisgros, devenus de grands amis complices qui, eux, sont redescendus aussi à Roanne, tout près de Lyon, pour avoir un restaurant. Et 8 ans, ou presque 8 ans, au restaurant de Fernand Point à Vienne, qui est aussi pas loin de Lyon, le restaurant La Pyramide. Et là, Fernand Point, c'est son mentor. Mm-hmm. Son mentor. Alors, tout le principe de la cuisine, du raffinement, de la générosité, tout ça, c'est Fernand Point qui lui a appris. Et c'est drôle parce que Sacha Distel a dit un jour, quand on veut de la bonne cuisine française, un point, c'est tout. Et c'était la façon de décrire Fernand Point, un être exceptionnel. Et donc, là, Paul Bocuse s'est dit, ça y est, je suis prêt. Et il a repris l'aventure familiale. Puis ces relations-là, je pense aux frères Troisgros, entre autres, c'est des gens qui vont le suivre toute sa vie. Là. Oui. En 58, il reprend donc effectivement la maison familiale de Collonges. Et là, c'est parti. Il obtient la même année sa première étoile Michelin. Oui. Il est fait, vous l'avez évoqué, mes meilleurs ouvriers de France. Là, c'est vraiment parti. C'est parti. Et bon, en 62, il y a eu la deuxième étoile. En 65, la troisième étoile. Et cette troisième étoile, il l'a conservée plus de 50 ans. Mais au-delà des étoiles, moi, je reviens sur le statut de meilleur ouvrier de France. Et c'est là que ça joue pour lui beaucoup. Parce qu'un meilleur ouvrier de France, ça ne veut pas dire qu'il était le meilleur. Il fait partie des meilleurs ouvriers de France. Ouais. C'est autour de 4 ans. Pendant 2 ans, on se prépare à reproduire quelque chose à la perfection. Et c'est là où ça joue, je pense, pour Paul Bocuse. C'est l'art de dire, OK, je dois faire ce plat et je dois à chaque fois reproduire les gestes, la précision, comme un pâtissier doit le faire, dans le fond. Mm-hmm. Et lui, il l'a fait. Et pour la suite des choses, toute sa cuisine s'est basée là-dessus. Dans ses cuisines, dans son restaurant, il y a toujours eu des meilleurs ouvriers de France. Toujours. Ouais. Donc, entouré des meilleurs, avec une vision nette et claire de ce qu'il veut faire, puis on y revient, une vision du service de l'art de recevoir. Ah. Parce que je pense que ça fait partie de la recette de sa longévité, cette affaire-là, Francis Reddy. C'est que lorsqu'on... Je suis allé une fois dans ma vie, une fois. Chanceux. Je me trouve privilégié. Et donc, ce que j'observe, c'est qu'on aille là un 14 février, un 8 septembre, un 2 août. On est toujours reçu comme si on était la personne la plus importante sur Terre. Et c'est vrai, et sa femme était toujours présente, sa femme avec qui il était pendant plusieurs années, on se parlera probablement de la suite des choses, mais... Et donc, l'art de recevoir, l'art de dire « tu es le bienvenu », et quand je l'ai rencontré, la fois où je l'ai rencontré, c'était lors d'un grand salon alimentaire à Lyon, et les chefs de partout venaient manger à sa table pendant cette semaine-là. L'amitié, le respect, quand on dit le pape de la cuisine, c'est pas pour rien, là. Ouais. C'est parce que tout l'univers de la cuisine avait envie de rencontrer, de parler, de goûter la cuisine de Bocuse. Et donc, il se sentait bien reçu. Il recevait tout le monde de la même façon. Ouais. Vous parliez il y a quelques minutes de cette fameuse recette de soupe VGE, la soupe Valérie Giscard d'Estaing, la soupe aux truffes. C'est en 75 donc qu'il invente cette recette-là. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur donc par Valérie Giscard d'Estaing. Vous savez que c'est une blague au départ, hein, ça? C'est vrai? Oui, alors donc c'est quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humour dans son environnement, et quelqu'un lui a fait croire qu'il allait recevoir la Légion d'honneur. Et c'était pas vrai. Sauf que Valérie Giscard d'Estaing a entendu parler de cette blague et il s'est dit, bah, ben, je vais le faire pour vrai. C'est ce qui s'est passé. Et ça a donné cette fameuse soupe. Vous avez déjà dit à quel point c'était simple, mais pour le plaisir d'entendre Paul Bocuse cuisiner en quelque sorte pour nous, voici l'extrait. Vous allez vous régaler. Voici l'extrait qui suit. Bon, alors voilà, soupe aux truffes. On l'a créée en 1975. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut des truffes, du foie gras, une matignon de légumes, du mec de bœuf, un consommé de bœuf double et du feuilletage. Alors voilà, donc on met la matignon, le foie gras, le maigre de bœuf, on râpe les truffes. On met à peu près 20 à 25 grammes de truffes. Maintenant, on met le consommé de bœuf, un petit peu de noyer poivre parce que c'est très bon. Et là, on met le feuilletage dessus. Je mets dans le four. On va débarrasser un peu. On ménage. Voilà. Ben, et voilà, la soupe aux truffes. Quand le président a eu ça devant lui, c'était la première fois qu'il voyait ça, il me dit, monsieur, comment ça se mange? Bien, président, je lui ai dit, on casse sa croûte. Voilà, ça a été formidable, parce que finalement, cette soupe aux truffes, on l'a fait pour tous les présidents, les rois, c'est-à-dire, on l'avait fait pour, je ne me rappelle plus, Kennedy, on l'avait fait pour la reine Elisabeth, on l'a fait, je me rappelle, on a fait le tour du monde avec cette soupe aux truffes. Je goûte alors, hein. C'est chaud. Allez, bon appétit. C'est le plaisir de cuisiner qu'on entend aussi dans cet extrait, Francis Rindy. Oui, mais il disait toujours travailler comme si on allait vivre jusqu'à 100 ans et vivre comme si on allait mourir demain. Ouais. Et il vivait. Quand il cuisinait, il vivait. Ouais. Puis moment où il crée cette soupe en 75, vous l'avez un peu évoqué, ce qu'il a changé, entre autres, Paul Bocuse, c'est qu'il a permis aux artistes que sont les chefs de s'exprimer, de prendre la place qui leur revenait. Est-ce que c'est une nouvelle ère? C'est une grande vedette à ce moment-là. C'est peut-être un des premiers chefs vedettes, non? Ben oui. Oui, dans le sens qu'il... Ce qu'il a d'extraordinaire, c'est qu'il a compris qu'un chef devait être maître à bord. Maître dans le sens de devenir propriétaire du lieu, d'être en avant, aller voir les gens dans la salle, parce qu'un chef restait toujours dans les cuisines. Oui. Là, il sortait, il allait rencontrer les gens, leur parler, et tous ceux qui ont suivi ont eu envie de faire la même chose. Ils ont compris qu'il y avait une valorisation à être chef. Et c'est ça qu'il a accompli, et pour tous les autres, Joël Robuchon, qui a un peu fait la suite, a un peu fait même un parcours un peu semblable, lui, là, il se faisait voir partout. Et c'est ce qu'il fallait faire. Donc, ce qu'il a fait, entre autres, Bocuse, il partait faire des conférences partout dans le monde, avec des centaines de kilos de produits français. Parce que c'était pas juste dire, c'est pas que les mots, parce que les mots, c'est une chose, mais lorsqu'on prouve par l'aliment, par le produit, c'est fantastique. Donc, il y a eu une reconnaissance à ce moment-là ailleurs. Et les autres ont suivi en ce sens-là. Donc, effectivement, il a été le marquant pour la reconnaissance de cette profession, ce métier de chef. Ouais. La promotion, en se promenant comme ça avec des produits français, la transmission aussi, c'est important. C'est, je pense, ce qu'il va faire qu'en 1987, on pourrait dire, c'est quand même un peu égocentrique, il crée une compétition qui s'appelle le Bocuse d'or, mais non, c'est l'idée de faire la promotion et de transmettre l'art de la cuisine, non? Lorsqu'on va au Bocuse d'or et qu'on voit les compétitions entre pays, Paul Bocuse, il se promenait, il allait voir, mais c'est mettre en valeur le travail des chefs. C'est pas Bocuse qui parlait sans arrêt, c'est parce que les chefs qui se préparent pendant 2 ans à cette compétition-là, qui se produit à Lyon, au CIRA, au grand salon, le CIRA, eh bien, ils deviennent obsédés pendant 2 ans pour être fin prêt, pour s'assurer que c'est parfait. Et tous les dizaines de pays s'y préparent. C'est une compétition féroce et c'est encore une fois la mise en valeur de la précision du geste, de la perfection. Et donc, ça, quand on pense à la transmission, dès qu'on se dit on fait bien les choses, on met en valeur le fait de bien faire, bien, c'est clair qu'il y a une pérennité qui vient avec ça. Ouais. On n'a pas encore parlé, Francis Reddy, du Bocuse plus intime. On a compris que c'était un bon vivant, qu'il avait le sens de l'humour, mais quel genre d'homme était-il? Bon, beaucoup d'humour. La vie était un jeu pour lui, c'est clair. C'est un homme qui a écrit un livre il n'y a pas si longtemps, autobiographique, où il évoque sa vie intime. Il a eu 3 femmes en même temps. Ah bon? En même temps. Il y a eu Raymond Duvers, qui s'est marié, je pense, en 1946. Par la suite, il y a eu Raymond Corlu. Ils ont eu un fils ensemble, Jérôme, et Patricia Ziza, plus jeune, qui s'occupait de ses voyages, qui dirigeait l'image de Paul Bocuse. Les 3 personnes ont été très importantes et il y avait une vie en parallèle, les 3. Est-ce que ces femmes appréciaient de ce que j'ai pu lire de Raymond Duvers? Non. C'est une situation qu'il a imposée. Ce n'était pas une situation apprécié et souhaité par ces femmes-là, mais c'est comme ça qu'il l'a vécu. Ça, c'est l'aspect particulier de sa vie et lui l'assumait totalement. Il y a d'autres aspects fascinants. C'est un collectionneur fou. Ah bon? Fou de limonaire, d'orgue de barbarie dans l'abbaye, l'autre bâtiment qui est une ancienne abbaye. C'est fantastique qu'on entre là parce que quand je dis un limonaire, c'est des personnages qui bougent et c'est de la musique. C'est tout ce qui est musique mécanique. Mais c'est immense. Immense, c'est un mur complet. Il s'amuse à voir ça. Il en est fier. Donc, un collectionneur aussi. C'était un homme d'amitié. L'amitié était profonde, donc une grande fidélité en amitié aussi. Ouais. Et donc, il meurt en 2018. En quelques mots, qu'est-ce qu'il nous reste de lui? Qu'est-ce qu'il reste de son empire? Qu'est-ce qu'il nous laisse comme héritage? Alors, plusieurs restaurants, 8 brasseries au Japon. Il y a une école qui existe qui est un peu l'équivalent de l'ITHQ ici, l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec. Ben alors, c'est une école extraordinaire en France qui existe et donc qui met en valeur le travail des jeunes, de s'assurer encore de la transmission, de la pérennité. Il a écrit des livres qui, les gens lisent encore ses livres et les considèrent importants. Il a créé, je pense, un univers solide aux États-Unis pour la cuisine française grâce à ce qu'il a fait à Disney au début des années 80 en ayant des restaurants à Epcot, dans le parc thématique. Donc, je pense que tout ce qu'il a fait demeure, même le restaurant. Il a perdu une étoile, on le sait, c'est récent. Il y a un contexte pour laquelle l'étoile s'est perdue. Il y avait un nouveau décor, il y a eu des changements. Mais je pense que ce restaurant-là, ce lieu-là, près de Lyon, va rester vivant longtemps. Jérôme a pris la relève. Oui. Donc, Paul Bocuse n'est pas prêt de disparaître dans la mémoire des gens. Il peut encore être dans notre assiette. Oh, tellement! Tellement! Francis Reddy, animateur de l'émission Les Saisons de Francis à Ici Musique, ça a été un immense bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup, Francis. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.